moi qui tu es. Je sais arrêter ce qu'il y a. Je comprends tout. Je passe l'éponge sur tes antécédents, dans l'espoir que tu sauras en profiter. J'ai ce qu'il me faut. CRS, le maléfique. Soldat du ghetto. On est à mort sinistre, MC mercenaire. Quand la vie et la mort s'unissent, il devient secondaire. Ici la température, c'est froid comme le ciment, gris comme le béton, j'attends son opérateur. Ramper autour des bâtiments, je peux plus, je vais grimper à terre. Je suis pas dans mon élément, le feu rouge est allumé. Ici ce qui les alimente, y'a que ça qui peut les calmer. Du shit en abondance, tout scanné, rien de concret. Un carré, ça devient des camés, des fausses les veines incarnées. L'illusion dans toute sa splendeur, et après ils s'étonnent, tout ça se plaint dehors. Mais c'est l'état qui cause tous ces plans d'art. C'est des virtuoses en matière de radar. À l'affût de l'esprit faible, les contrôlants sont part de nos erreurs. C'est dur de rester fiable, moi je suis contre le vice et ses horreurs. CRS versus la haine. Tu trouves ça palpitant d'articuler les gens. Moi je suis pas le pantin manipulé par l'argent. Y'a rien qui me tient dans ton empire à part des faits impurs. Fausse promesse on perd nos existences dans l'ignorance. Si je suis sans repère je préfère prendre conscience de mes souffrances. Te garantis, certains voudront te carotter. Faut faire du karaté pour être en sécurité. Les gens ils se tapent pour un regard, tirent dessus pour le bénéf. En clair on est tous en guerre. Tu peux te prendre un coup de canif parce qu'un connard a un coup de nerf. En France on subit tous la pression du gouvernement. Mais si on s'unit tous on irait tous vers l'avènement. Ce serait un putain d'événement. Avant je leur avais demandé pourquoi ils niquaient la vie. Ce chant là ils m'ont dit, c'est mon problème l'ami. Je t'ai pas demandé ton avis, je suis maudit. Je réunis mon peu d'espoir dans des conneries. Je fais partie des démunis et j'irai pas au paradis. De toute façon ici, on est tous condamnés. Moi je fais pas partie de ceux qui donnent leur cul pour pas se faire barber. Si leur portefeuille, ma dignité j'ai dans la peau. Je comprends pas ceux qui s'engagent dans la peau. Lix, on vous baisse tous les. Même si on se fait aimanter par le ghetto, on sera toujours expérimenté. La vraie vie d'art, mon vie d'ordure, on mène des vies d'ordure. Une œuvre d'art cependant est souvent cachée, cachée par la saleté, des déchets tachés par l'humanité. Beaucoup trop de femmes menottées, même en étant libérés, coupables, on les cale pour relais. Dis-moi hein, sale bâtard. Quand dans les goûters, dégoûté, à toi t'as plus de chance de goûter. Pour un coup de couteau, tu prends tes risques, mais ils sont pittoresques, mesquins. Pour toi, Vesky, quand t'as ton red skin. Trop de haïtissants, qui trop souvent garantissaient. Très carré visé, se bagarre haïtisé. Avancer dans le bon sens, mais ils carburent au diesel. Eux, c'est pas à l'essence, la rue leur a donné des ailes. Dans son prophète de l'état, certains pensent qu'à bosser. Moi, je vois, tu vois, une France qui a bossé. Défoncée par l'hypocrisie, écrasée par la bourgeoisie. C'est toi qui choisis, mais seulement ils ont rien soupçonné. Alors que le taf est fait sous son nez, ça me fait halluciner. C'est des dégâts à fistoler car le dégaine de la rue fait stylé. Fruit défendu fait soigner quand le fils a eu faut se tailler. Ranger ton pistolet car dans ta piste tollée. J'sais pas comment certains pistolets ré tout c'est fait. Hein, toute façon je m'en bats les couilles, le mal est fait. Je voudrais pas trébucher à chaque fois que je dois sauter les obstacles évidents de la vie d'un mec heureux. Mais ce système ne peut que m'écœurer. La vie est un cauchemar, un jeu pour ça dans ma zone. C'est pour tout comme du cachemire, moi je te dis c'est des museaux. Hier qu'il faut pour tous ces clébards, je représente les endomis. S'ils fixent, s'ils galèrent chaque nuit sur le trottoir. Nique le genre art du pouvoir. Moi tous ces bâtards, je veux plus les voir. Dans ma ville, il fait que de pleuvoir. Putain de destin bête, donc je peux rien prévoir. La commune voix qui m'indique la direction idéale. Mais la pratique juridique peut plus m'aider à la première occasion, ils rempliront mon casier. De nouvelles résolutions engagées dans tous les cachets. Toujours pas trouver la joie, je veux un esprit léger. Oublier les fardeaux et jamais plus loger parmi les rats. La merde et les cafards, ton ami la rue je peux plus le voir. Mais que faire dans ce monde insolite, obsolète. Avant tes obsèques, faut boire 100 litres pour appuyer sur la sonnette. Mais la porte est fermée, le vice c'est ton proxénète. Crois pas que c'est propre, c'est net. Si c'est dirigé, t'as fait de ça être tolérant. Tes bonnes manières, mon pote je te les rends. Non hier, c'était la déchéance. Demain il y aura pas de référence. À toi de référence, sorte de pas trop t'écarter. Des peurs, regarde un peu ce que t'apporte ton quartier. Ce que t'apporte ton quartier. La santé est insupportable. Violence, haine, etc. Excès de larmes, on fait que s'enterrer. Comme un sous-sort heureux, trop pense qu'à se soutirer. Conseil à ceux qui en ont, on se fait couillonner. En oubliant qui on est. Moi je voudrais savoir où qu'on en est. Pour enrichir sa vie, pas besoin de JP. Combien le savent en 2005 frère. En 2005, pour réfléchir et se vivre, ils sont souvent ensevelis. Combien le savent en 2005 frère. En 2005, nos valeurs sont dérobées. Nos corps transformés en robots. Donc on noie ça dans des rebiers. T'assembler, y'a pas de repos. Toi tu soutiens l'euro, gros. Et ceux attirent les rigots. L'un s'attire quand en gros. Derrière ça tire les rideaux. Ils t'ont tort les ragots. Ça c'est un dalle. Pour moi si tu jacques, mec t'es une pédale. J'ai déjà volé des voitures, j'ai déjà défoncé des mecs. J'ai déjà connu la tôle, j'ai déjà vendu des plaquettes. Mais aujourd'hui tout ça, je veux plus que ça se reproduise. Je mets un sur mon passé, un terme à toutes ces bêtises. Un terme à toutes ces bêtises. Un terme à toutes ces bêtises. Soldat du ghetto. Qu'est-ce qu'il y a?